Chapitre 14. La collation se prolongea longtemps encore après le départ du comte de La Rochaudon et de Bérengère. Et elle lui-même durait une partie de la nuit si Madame Prêt-à-Boine avait voulu le permettre. Mais elle savait comment certains invités se mettent parfois à leur aise et font leur une maison étrangère dans laquelle bien souvent ils sont introduits pour la première fois. Ne voulant pas qu'il en fût ainsi chez elle, elle avait pris ses mesures en conséquence. Lorsque la journée commença à s'avancer, il arriva un moment où les convives, solidement attablés, ne distinguèrent plus facilement ce qu'ils avaient dans leur assiette, pas plus que ce qu'ils versaient dans leur verre ou à côté. « Il vendrait des lumières, » dirent quelques voix, mais les gens de service, ainsi interpellés, déclarèrent qu'ils n'avaient ni lampe, ni flambeau, ni bougie. C'était là une réponse suffisamment claire pour qui voulait comprendre. Aussi, quelques tables furent-elles assez promptement abandonnées. Mais plusieurs invités étaient arrivés à ce moment psychologique où l'on ne comprend pas les choses à demi-mot et où on éprouve le besoin d'accomplir des actions extraordinaires, où l'on a tous les courages, toutes les audaces. Parmi ceux qui étaient montés à ce diapason héroïque se trouvait Dieudonné de la Fardouillère, qui, après avoir promis à ses nobles parents de les rejoindre tout de suite, le temps de dire un seul mot au sous-préfet, était resté, d'abord parce qu'il trouvait le champagne bon, et puis aussi parce qu'il tenait à prouver publiquement qu'il avait eu tort de dire que la maison de Madame Prêt-à-Boine n'était pas amusante. Très drôle, au contraire, les bonnes loteries, qui étaient suivies d'une collation. Seulement, il fallait la collation, parce que la loterie, vous savez, crevante, et le mélie crevante aussi. Lorsqu'on lui eut répondu qu'il n'y avait ni lampe ni bougie au buffet, il prit mal cette réponse. « Est-ce que vous vous fichez de moi par hasard ? Savez-vous à qui vous parlez, hein ?» Il fallut du temps et de la diplomatie pour lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas lui donner ce qu'on n'avait pas. « Eh bien, puisque vous n'en avez pas, je vais vous en apporter, moi. Et quand on vous demandera qui vous a donné ces lumières, vous direz que c'est Monsieur Dieudonné de la Fardouillère. » Là-dessus, se levant en vainqueur, le lorgnon campé sur le nez, malgré les efforts de quelques jeunes gens qui avaient trouvé le champagne moins bon, il partit pour conquérir des bougies. Cela n'était parbleu pas difficile. Il n'y avait qu'à prendre deux candélabres dans un salon et allumer les bougies. Qu'est-ce qui serait étonné en voyant la tente illuminée? Ce serait Madame Prêt-à-Boine. Vraiment, c'était un bon tour à lui jouer. Est-ce qu'on met ainsi les gens à la porte quand il y a encore du champagne? Ah non, non, on allait donc rire un peu. Et lui-même avait ri d'avance. Mais le premier étonné, ce fut Monsieur Dieudonné, bonhomme de la Fardouillère. Car s'il trouva des candélabres dans les salons, il n'était point garni de bougies. Et il fallut revenir. Il fallut partir. À peine eut-il quitté la tente, marchant roide comme un homme qui tient à prouver que le champagne n'agit pas sur lui, que les lumières, quelques minutes auparavant introuvables, s'allumèrent çà et là. Et sous la direction de Madame Prêt-à-Boine, les gens de service, en manches de chemise et la serviette nouée derrière le cou, commencèrent à mettre toutes choses en ordre. Si lasse et surtout si préoccupée qu'elle fût, elle n'était pas femme en effet à confier à personne la surveillance de la desserte du buffet. Il fallait qu'elle fût là pour empêcher le gaspillage, le coulage et aussi le vol. Ce fut sous cette surveillance rigoureuse qu'on serra dans l'office tout ce qui n'avait pas été entamé. Et ce fut aussi sous cette surveillance qu'on rangea dans la cave toutes les bouteilles qui n'avaient pas été débouchées. Un crayon à la main, elle inscrivit chaque objet, et ce qui fut dérobé ne put l'être que par des doigts aussi alertes que ceux d'un prestidigitateur. Il était près de 11 heures quand tout fut terminé. Alors elle monta à l'appartement de son fils. Deux fois Aurélien était venu la trouver, car il voulait l'interroger, elle l'avait renvoyé. « Plus tard, quand j'aurai fini. » Et comme il la connaissait mieux que personne, il n'avait point insisté. Il savait qu'il n'obtiendrait rien d'elle. Il était remonté chez lui et il avait repris sa lettre à Sophie. Décidément, toute réflexion faite, il s'en tiendrait à une lettre, écrite de la main gauche, et il irait la mettre le lendemain matin à la station du chemin de fer, dans la boîte même du bureau ambulant. Par là, il éviterait le timbre de Condé ou de toute autre ville. C'est-à-dire qu'il s'assurerait une bonne chance de plus pour enlever à sa lettre tout caractère compromettant. Pour le moment, Sophie, rassurée, le laisserait en repos, et plus tard, si elle voulait se servir de cette lettre, elle n'en pourrait rien faire. Il s'appliqua donc à écrire cette lettre, et après plusieurs essais, il arriva à un résultat qui le satisfit pleinement. Personne, assurément, ne pourrait croire que cette lettre était de lui. Sophie ne se douterait point que l'écriture en était déguisée, elle admettrait l'ami. Ce fut un grand soulagement, et elle respira, comme le commerçant qui vient d'obtenir le renouvellement de billets protestés pour lesquels on allait le mettre en faillite. Il avait du temps, il aviserait, il trouverait. Cependant, la satisfaction qu'il éprouvait n'était pas sans mélange, car si le danger qu'il redoutait le matin était écarté pour le moment, il en voyait poindre un autre qu'il n'avait pas prévu. Que signifiait cette intimité de Mademoiselle de La Roche-Audon et du capitaine de Gardilan, qui venait de se révéler à lui d'une façon si manifeste? C'était là une question capitale et qui prenait des proportions de plus en plus menaçantes à mesure qu'on l'examinait. Les difficultés qui s'opposaient à son mariage avec Mademoiselle de La Roche-Audon étaient pour lui presque insurmontables. Si elle se compliquait d'un amour entre Bérengère et cet officier, il ne voyait plus quelle chance de succès lui restait, si petite qu'elle fût. Et cependant, sa mère était souriante. Et cependant, elle disait qu'elle avait voulu ce tête-à-tête. Il y avait là quelque chose d'inexplicable qui demandait à être éclairci par elle. Aussi attendait-il son arrivée avec une impatience fiévreuse. Mais contrairement à son attente, elle ne voulait rien lui expliquer. « Je tombe de fatigue, et je ne suis entrée que pour vous embrasser. Bonne nuit, mon enfant. » »« Mais, ma mère, jamais situation n'a été plus grave que la nôtre. Encore une fois, je vous répète d'avoir bon espoir. Ou, si vous aimez mieux, je vous répète ce que je vous ai dit. Vous serez le mari de Mademoiselle de La Roche-Audon. Maintenant, bonne nuit. Je n'ajoute plus un mot. » Ce fut tout ce qu'il en put obtenir. Sans doute, c'était quelque chose, c'était même beaucoup que cette parole. Mais enfin, une explication lui encore mieux rassurait. Du temps où elle était dans les affaires, Madame Prêt-à-Moine avait conservé l'habitude de faire chaque soir la balance du compte de sa journée. En rentrant dans sa chambre, elle ne se coucha point, mais elle s'assit devant sa table de travail et atteignit des livres ainsi que des carnets de comptes auxquels elle joignit un petit cahier qu'elle tira de la poche de sa robe, celui-là même sur lequel elle avait pris des notes dans l'office et dans la cave. Elle feuilleta vivement ses livres et ses carnets, et la plume à la main, elle releva différents chiffres. C'était ceux de la dépense faite par elle à l'occasion du tirage de la loterie. Tout d'abord, elle inscrivit une somme de 12 500 francs, montant de 50 000 billets à 25 centimes, non placés et qu'elle avait pris, afin que le tirage pût avoir lieu au jour choisi par elle. Puis au-dessous, elle inscrivit ce qu'elle devait ou ce qu'elle avait payé pour la tente, pour la collation, vin, viande, conserves, fruits, fleurs, etc., pour les gens de service, et le total s'éleva à 6 347 francs 82 centimes. Mais de ce total, elle eut à défalquer ce qui, n'ayant pas été consommé, lui était resté en nature, ce qu'elle estimait à 1 235 francs 40 centimes. La soustraction fut vite faite, et elle trouva que la fête qu'elle venait d'offrir à ses invités coûtait 5 112 francs 42 centimes. Additionnant ces 5 112 francs 42 centimes avec les 12 500 francs, montant des billets, elle arriva au chiffre de 17 612 francs 42 centimes pour la dépense totale. C'était donc 17 612 francs 42 centimes qu'elle avait à débiter M. le comte Turol de La Roche-Audon, demeurant son château de la Rouvray près Condé-le-Châtel, car ces dépenses qu'elle venait de faire n'étaient qu'une simple avance qu'elle espérait bien recouvrer un jour. Maintenant, pour que l'opération fût complète, il fallait en face le compte de débit ouvrir un compte de crédit. Là, les écritures furent moins longues, car les différentes recettes qu'elle avait escomptées, bon accueil du comte de La Roche-Audon, accord de Bérengère et d'Aurélien, etc., lui ayant manqué, elle n'avait qu'un article à inscrire. Il est vrai que celui-là représentait une valeur pour qui saurait l'exploiter, c'était le secret de Bérengère. Résumé, au débit, 17 612 francs 42 centimes, au crédit, secret de Bérengère. Décidément, l'opération de la journée pouvait donner de bons résultats.